première ligue. Ligue des champions. Liga. Équipe de France. Calcio. Bundesliga. Football Right, le podcast. Société est faite de humains. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le dimanche 28 novembre, et nous revoilà pour un nouveau podcast Football Right. Alors aujourd'hui, un podcast divisé en deux parties. Une première partie, nous parlerons de championnats européens comme la Ligue 1 et la Liga. Et une deuxième partie, nous traiterons plus de l'équipe de France qui va bien en ce moment après son succès il y a quelques temps déjà contre l'Angleterre 2-1. Tout ça, ce sera avec Baptiste qui est toujours là à mes côtés et deux intervenants que nous vous présenterons dans la suite du podcast. Bonne écoute. Pour animer aujourd'hui le podcast avec moi, on retrouve Baptiste comme d'habitude. Salut Baptiste. Salut Albertine. Et donc Baptiste qui blogue toujours sur le site journalsport.presse.com qu'on vous invite à aller visiter. On accueille notre deuxième intervenant qui est aujourd'hui Nicolas. Et Nicolas qui blogue sur le site tribunefoot.com, une sorte de blog collaboratif sur le football où différentes plumes peuvent s'exprimer quand un sujet leur dit en bref. Ouais, c'est ça. Salut Albertine. Salut Baptiste. Et donc comme j'ai dit dans l'introduction, on va parler aujourd'hui en première partie de la Ligue 1 et de la Liga. Et on va commencer par la Ligue 1 et par Paris Nicolas, qui est l'équipe qui te fait vibrer et l'équipe dont tu es fan depuis très longtemps maintenant. C'est une équipe qui, cette année, quand même impressionne, qui fait plaisir, on pourrait dire. On sent qu'il y a une bonne ambiance et ça paraît difficile de dire ça avec Paris, mais en 4 mois, on n'a quasiment jamais entendu le mot crise qu'on pouvait entendre avant dans les autres saisons. Bah, on l'a beaucoup moins entendu, mais on l'a quand même un petit peu entendu après la défaite à Sochaux. C'était en septembre, je crois. Mais c'est vrai que, enfin, c'est la première année depuis très longtemps qu'il n'y a pas de crise en novembre, qu'il n'y a pas la fameuse crise automnale. Donc c'est plutôt bon signe. Mais bon, c'est déjà arrivé qu'il y ait des crises après la trêve aussi. Donc bon, enfin moi, c'est pas, il n'y a pas de, faut attendre, faut voir. Mais pour l'instant, ça se passe vraiment très bien, quoi. Et c'est vrai que c'est probablement la meilleure équipe qu'on a depuis très longtemps. Alors effectivement, Paris va bien. Et est-ce que selon toi, Baptiste, on peut faire un parallèle entre la bonne forme de Paris et les mesures prises par le président Leproux? Qui était de dissocier pendant l'été des associations de supporters qu'on appelait les COPS de Boulogne et d'Auteuil. Est-ce que tu penses que ça a eu un effet notamment bénéfique sur le terrain pour cette équipe du PSG? Ben, j'ai l'impression que le plan marche mieux sur le terrain. Il y a beaucoup de conséquences positives sur le terrain. Et peut-être qu'en fait, on parlait pas mal de la pression des supporters sur les joueurs du PSG. Puis on en rigolait en disant que oui, enfin, une pression, ils sont... Mais bon, ils sont payés le même prix, ils jouent dans un super stade. Je pense vraiment qu'il y a eu un effet, mais il y a aussi l'effet qu'il y a moins de communion entre les joueurs et leur public. Donc, il y a des effets de chaque côté. Je pense que quand même, les supporters sont contents de voir que leur équipe joue, qu'elle joue un des meilleurs jeux. Moi, je la mettrais dans le même groupe que Lorient, qui sont des équipes qui ont vraiment un jeu, qui commencent à se faire un jeu bien attitré. Ça fait vraiment plaisir et ça fait d'autant plus plaisir que souvent le PSG scoltine des crises pour des fois rien et cette année ça a l'air plutôt de rouler. Parce que Nicolas, il me semble qu'au premier abord, t'étais assez sceptique suite à ce plan Leproux. J'étais assez sceptique, ouais. Et puis juste pour revenir sur ce que disait Baptiste, c'est vrai que sur le terrain ça se passe très bien, mais c'est pas prouvé à ma connaissance que ce soit grâce au plan Leproux. On a aussi une belle équipe. C'est la première fois qu'il y a un peu de profondeur dans l'équipe depuis assez longtemps, avec un bon banc. Il y a l'explosion d'un certain nombre de jeunes. Enfin, il y a Sako, ça fait un petit bout de temps, mais il y a par exemple Chantôme. Donc je sais pas trop si c'est grâce au plan Leproux, mais bon, peut-être qu'il y a plus de sérénité effectivement et que ça permet aux joueurs d'être un peu plus tranquilles. Après, sur le plan Leproux, personnellement, je suis sceptique sur le plan Leproux, mais je suis pas complètement pour le plan en lui-même. Je pense que effectivement, il y avait probablement des mesures vraiment très importantes et probablement très radicales à prendre. Ce qui me peine un peu, c'est vraiment l'unanimité autour du plan, c'est l'unanimité médiatique en fait, enfin pas du tout chez les supporters bien sûr. Et à quel point on a peu, voire pas du tout entendu les supporters dans les médias, quoi. Et quand on voit quand même à quel point les mesures prises ont été drastiques, je pense qu'on peut quand même, on peut quand même accepter le fait qu'il y a un certain nombre de mécontents, quoi. Et deuxièmement, il y a eu quand même, par exemple, parfois des banderoles qui sont sorties, qui ont été rangées direct, qu'on a empêché de se déployer, etc. Et je me demande si ça fait vraiment partie du plan, et je me demande si c'est vraiment utile, et si on n'est pas juste dans la simple, comment dire, là c'était juste de la liberté d'expression, je pense pas que c'était dangereux, c'était juste des le pro d'émission, et je vois pas trop pourquoi on les enlevait, ces banderoles, quoi. Voilà, et ça fait pas partie du plan, et si on ajoute ça à l'unanimité médiatique totale qu'il y a eu là-dessus, ouais, voilà, c'est là-dessus que je suis très sceptique, en fait. Un peu, enfin, nuancé, parce que je sais que de la part d'un supporter parisien, c'est un peu dur de voir tout ça. D'un œil extérieur et pour voir un peu dans les médias, c'est sûr que le problème et l'amalgame a surtout été fait quand il y a eu des problèmes au Parc des Princes. Et Lyon, c'était supporter de Paris égal dangereux. Ce qui n'est pas le cas, il y a plein de supporters qui tiennent très bien au match, qui font partie de Boulogne ou de Teuil. Il y a eu aussi des groupes dans Boulogne ou Teuil qui sont devenus très clichés sur... Ça allait, je crois qu'il y avait des skinheads et ce genre de groupes, quoi. Donc voilà, il y avait une espèce de crise des supporters à Paris. Quand il y a une crise, que ce soit en politique ou dans n'importe quel milieu, bah, t'es obligé de mettre des réformes qui sont forcément très très dures, très drastiques comme tu disais, mais peut-être nécessaires. Et tu sais pas si dans un ou deux ans, bah, les règles commencent à être un petit peu plus souples. On retrouvera peut-être un équilibre, parce que là, on est très loin de l'année dernière, c'est sûr, il y a un contraste. À mon avis, on va retrouver un équilibre. Il y a un vrai club. J'ai l'impression quand même que par rapport au terrain, je sais pas s'il y a aussi un parallèle à faire, mais enfin voilà, il y a une équipe qui marche cette année et qui l'année dernière avait vraiment du mal. Une équipe qui fait plaisir et d'un autre côté des supporters qui ont complètement été explosés. Oui, donc ça a été des mesures très importantes à prendre pour le club, mais qui auraient pu être prises avec un peu plus de communication, notamment avec les supporters qui étaient mis en tort. Bah, je pense personnellement, je pense que oui, il y a eu quand même. Enfin, je veux dire quand les mesures, par exemple, qui font que c'est gratuit pour les femmes dans les tribunes et que en fait, par exemple, ça va être plus cher que pour des nouveaux arrivants au Parc des Princes, ça va être plus cher en fait pour les fidèles. Je sais pas, est-ce que c'est normal, quoi? Enfin, je trouve ça dingue, quoi. Oui, il y a une sorte d'injustice, en fait. Bah oui, enfin c'est clair. Bah déjà il y a l'injustice d'être catalogué violent, skinhead, etc. Bon, ça c'est une première chose. Mais il y a aussi d'autres injustices du genre. Et il y a après on parle que des faits avérés. Il y a quand même un certain nombre de rumeurs sur le mépris du club et notamment des vigiles du club par rapport aux supporters, qui est hallucinant. Enfin moi j'ai lu des témoignages sur les déplacements des supporters parisiens qui sont incroyables. On peut peut-être mettre de côté la réforme Le Prou pour l'instant et revenir plutôt sur le jeu pratiqué par le PSG cette saison. Il y a peut-être un effet négatif comme positif d'un côté sur le plan Le Prou, mais il y a aussi un recrutement que j'ai trouvé particulièrement efficace cette année avec notamment la venue de Néné et même les choix tactiques faits par Camboiré en tout début de saison avec le remplacement d'Armand dans l'axe par exemple. C'était en fait on avait déjà vu à la fin de la saison dernière, il y avait eu un ou deux tests comme ça et Armand avait été assez bon dans l'axe et donc effectivement ça marche, donc c'est un coup de chance parce que le Paris Saint-Germain avait essayé de recruter un arrière central pendant le mercato et puis ils n'avaient pas du tout réussi. Ils étaient sur Diakaté notamment. Bon, avec le recul, je me dis que c'était peut-être pas plus mal d'éviter en fait. Il y avait Bonnemère qui a fait 3-4 matchs quoi, avant d'être blessé. Et comme Chantôme a pris complètement le dessus, maintenant c'est un titulaire indiscutable. Quoi. Et Néné, c'est devenu la pièce maîtresse de l'équipe. Quoi. Donc effectivement, c'est un super recrutement. Quoi. Mais ça fait deux saisons que j'ai vraiment un très bon recrutement. Et c'est jamais très cher. Je sais que l'année dernière, ça a dû tourner autour de 9-10 millions le recrutement avec Jallet et Erding. Et cette année, votre mère Néné, ça fait quoi, 7 millions, je crois, un truc comme ça au total. C'est vraiment très bon recrutement. Et donc, le PSG qui se déplace ce soir à Lyon. Lyon qui va très mal en ce moment. Il y a une grosse défaite quand même en Ligue des Champions face à Schalke, même s'ils ont acquis leur qualification sur cette défaite. J'aimerais surtout aussi qu'on en vienne à Gourcuff, qui a été acheté quand même pour une somme d'argent importante l'année dernière au Girondins de Bordeaux et qui, Moi, je sais pas. Je le vois pas dans cette équipe de Lyon. J'ai l'impression qu'il arrive pas à prendre ses marques. Et je me pose la question, et je voulais avoir votre avis là-dessus. N'est-il pas en train de s'enterrer à Lyon? S'enterrer, je pense pas. Parce que, voilà, c'est quand même un talent. Il y a eu cette affaire qui a été, enfin, cette affaire, ce fait qui a été soulevé par l'équipe en interviewant Maldini, qui disait que le comportement de Gourcuff quand il était à Milan et qu'il a plutôt travaillé sur le terrain d'entraînement qu'en Serie A, le comportement de Gourcuff a été vraiment pas bon et il n'avait pas été dans la bonne optique pour choper une place au Milan, et c'est normal qu'après il soit reparti à Bordeaux plutôt assez facilement d'ailleurs. Voilà, il a montré quand même à Bordeaux qu'il était capable d'être très bon. Il est maintenant à Lyon, il faut commencer déjà à reprendre des automatismes avec ses camarades, ça commence à venir avec Lisandro Lopez a priori. Je pense qu'il a été aussi touché par la Coupe du Monde, parce que pour sa première Coupe du Monde, il a quand même eu le droit au fiasco du football français, donc ça doit quand même faire mal d'un côté. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui ont été touchés, qu'ils aient participé ou pas à ces grèves stupides et à tout ce qui s'est passé. Donc il a été touché quand même mentalement. Je pense qu'il y a aussi d'un côté, dans un coin de sa tête forcément, le retour de Ribéry en équipe de France qui doit lui rester en travers de la gorge, parce qu'il se dit que voilà, il sait que a priori il n'y a pas un bon climat entre les deux et que ça pourrait recommencer à aller mal, quoi. Donc il y a plusieurs choses. D'avoir envie de que ça se fasse, son départ pour moi était un peu plus dû à l'arrivée de Tigana qu'à autre chose, et j'aurais préféré qu'il reste à bord pour des raisons complètement limite illogiques, hein, mais voilà, je pense qu'il est capable d'y arriver à Lyon. Est-ce qu'il a le style de jeu qui va avec Lyon? Je ne sais pas non plus. Voilà, il était très, c'était la plaque tournante à Bordeaux. Il est moins à Lyon forcément, mais bon, il peut éclore dès demain, et voilà, on n'aura pas pu. Oui, et juste pour à propos de cette histoire, cette interview de Maldini assez bizarre, faut quand même relativiser un peu, parce qu'en fait Christian Gourcuff père a répondu, il a dit qu'ils ont quand même passé leurs vacances ensemble cet été, Gourcuff et Maldini, et que Milan avait tout fait pour le garder. Donc c'est quand même très bizarre, hein, comme interview, c'est très étrange comme histoire. Donc bon, enfin après je sais pas. Concernant Gourcuff, est-ce qu'il s'enterre à Lyon? Je sais pas trop. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est un joueur qui rebondira, quoi. Même si c'est Lyon qui s'enterre, ce qui peut-être est possible, s'il s'améliore pas franchement d'ici la fin de la saison, notamment s'il rate la qualification en Champions League, ce qui serait vraiment dramatique pour le club. Mais sinon, je pense pas. Surtout qu'à mon avis, avec Blanc en équipe de France, il a un bel avenir, quoi. Je pense. Et concernant le retour de Ribéry, je pense que franchement, ça va se faire dans des conditions correctes, tout simplement parce que Ribéry va arriver en position de faiblesse, quoi. C'est Ribéry. Est-ce qu'il est titulaire aujourd'hui en équipe de France? C'est même pas sûr, quoi. Enfin, je sais pas, hein, mais donc je pense que ça se passera plutôt pas mal, quoi. Ouais. Mais alors, comment expliquer que Lyon aille si mal en ce moment? Est-ce que vous trouvez, par exemple, qu'Olas fait une confiance infaillible ou inutile à Puel et qu'il aurait dû le ménager? Je sais pas, peut-être après le premier mois, quand il a vu que ça commençait à se décliner. Peut-être pas c'est le premier plutôt... point, mais au moins il y a un mois peut-être, mi-octobre. C'est plutôt l'inverse. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il a un peu joué chaud-froid avec Puel, en lui disant que voilà, il avait toute sa confiance. Le lendemain, il lui dit que en fait, le match du week-end va décider s'il reste ou pas. Et puis il rechange de discours. Puel. En tout cas d'avoir su rester là et d'avoir travaillé dans ce genre de conditions, et je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Mais le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, là, ça tourne pas, quoi. Il a un gros, gros souci quand on voit que Lyon perd contre Schalke, et Schalke, je crois que c'était hier, hein, s'est fait quand même, ouais, pas mal étrier par le 13e de Bundesliga, donc ça fait mal. Il y a un problème en championnat où souvent ils font qu'une mi-temps sur deux, voire quelques... Il y a un problème, mais en même temps, tu peux relativiser en disant que on ressort de 10 ans de foot, et sur les 10 ans, il y a eu 7 années qui ont été un monopole lyonnais assez incroyable, un truc qu'on reverra sûrement jamais. Quand tu es supporter, que tu as vécu ça, que tu as commencé à t'y habituer, je comprends que c'est difficile de passer à une autre ère où tu vois que Lyon. Je joue la deuxième, la troisième place, que Lyon n'est plus le même, mais il y a eu des années super belles. Maintenant, il va falloir apprendre à vivre d'autres années, mais aussi à repartir pour une nouvelle dynamique. Ils en sont complètement capables. Ils ont sûrement c'est le mieux mettre un club au plus haut niveau, ça a été faux, on l'a vu. Et il bah, pour autant super aimé hein, le Jean-Michel Aulas, mais il reste un des meilleurs pour moi président. Claude Puel, après il y a la question, est-ce que c'est l'entraîneur qui hein. Je pense très certainement que si Aulas l'a pas viré, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité autre que de garder Puel. En fait, il n'y avait rien sous la main. Il faudra, mais je pense vraiment que Lyon peut s'en sortir, surtout tu vois la qualité d'effectif. Peut-être, sauf que moi j'ai l'impression que depuis plusieurs années, quand Lyon rencontre des difficultés, on se cache toujours derrière les 7 titres d'affilée qu'ils ont gagnés auparavant. Et on est toujours là à dire oui, mais de toute façon, faut pas oublier que Lyon c'est la seule équipe à avoir su aligner 7 titres d'affilée. Sur les 10 dernières années en Ligue 1, c'était la meilleure équipe, etc. Alors c'est sûrement vrai, sauf que j'ai l'impression que ça empêche en quelque sorte les Lyonnais, les supporters lyonnais de se remettre vraiment en question. Oui, c'est vrai qu'ils se réfugient un peu derrière ça, alors qu'en fait, la question qu'il faudrait poser, c'est est-ce que avec l'effectif que Lyon a, Lyon est place convenable en championnat? La réponse me paraît être non, même si la défense centrale est catastrophique, faut quand même dire les choses. Dégaté Lovren, c'est une horreur. Je pense que Lyon paye le fait de ne pas avoir investi depuis des années dans un vrai bon défenseur central. Quoi. Moi, c'est surtout ça que je vois. Enfin, les matchs que fait Lyon en ce moment, ils sont surprenants d'entrée, il y a des problèmes de concentration énormes, ils font une mi-temps sur deux, effectivement, comme tu le disais, Baptiste, mais c'est toujours la deuxième, quasiment, à chaque fois. Et ça date depuis déjà un petit bout de temps. Concernant Puel, je pense que là, ça a eu raison de ne pas le licencier. Je pense qu'il pouvait effectivement pas faire vraiment autrement. À la limite, c'est même pas une histoire. Je pense que c'est même le fait qu'il n'avait pas d'autre nom, c'est le fait que, tout simplement, si la qualification en Champions League n'était pas encore assurée, et s'il lâchait Puel, si le club se retrouvait sans capitaine, qu'en gros, ça pouvait vite vraiment partir complètement en vrai. Donc je pense qu'il a préféré maintenir puis je sais pas, on verra ce qu'il fera en mercato, hein. Puis ou peut-être qu'il attendra la fin de la saison, je ne sais pas, mais Puel, j'aime pas trop Haro, quoi, mais faut avouer quand même que il prend des décisions absolument incompréhensibles, quoi. Enfin, moi je personnellement, il y a un truc avec Puel que je ne comprends pas, c'est le turnover de l'effectif. C'est-à-dire que Lyon, c'est jamais la même équipe, jamais. Comment on construit une cohésion, quoi, comme ça, quoi. Je sais pas. C'est jamais la même équipe. Mais comment tu jugerais, en fait, le recrutement de Lyon sur ces dernières années? Tu le trouves intéressant? Est-ce qu'il t'étonne? Non, je pense que là où le recrutement est très mauvais, c'est la défense, quoi. Lovren, c'est Lovren qui a été recruté 7, 8, 9 millions, quelque chose comme ça. C'est une grosse blague. Et puis, Diakaté, c'était pas franchement l'homme de la situation, quoi. Donc voilà, défensivement, le recrutement est mauvais, mais enfin, offensivement, je vois pas quoi leur reprocher, quoi. Bastos, il est énorme, il a été recruté il y a 2 ans, je crois. C'est un excellent joueur. Et si ces joueurs pouvaient aligner 4 matchs ensemble, déjà, ce serait quand même pas mal, quoi. Sauf qu'ils sont tout le temps blessés parce qu'il y a un problème de préparation physique et parce qu'il y a un turnover totalement excessif. Oui, donc pour résumer, selon ton point de vue, les principales fautifs à Lyon de cette mauvaise forme, c'est plus les préparateurs physiques et le staff, par exemple, et la mauvaise gestion de Claude Puel qui t'étonne à chaque équipe alignée. Alors, je pense que ça dépend, en fait. Enfin, effectivement, le problème de préparation physique, ça paraît clair et net. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau du staff, ouais, je pense que Claude Puel a sa part de responsabilité. Les joueurs aussi, ça me paraît clair. Il y a certains matchs où tu te demandes si des joueurs n'ont pas envie de faire virer Puel, quoi. Franchement, sur certains matchs, c'est incroyable. Quand tu vois la qualité qu'il y a à chaque poste, si tu acceptes l'aspect défensif, c'est incroyable qu'une équipe comme Lyon, avec Gourcuff, Bastos et Lissandro, n'arrive pas à faire 2 passes. C'est pas normal. C'est pas, je pense qu'il y a quand même quelque chose à changer, quoi. Il faudrait quand même mettre un petit peu de terrain fourmilière, je pense quand même. Honnêtement, ils sont quand même sur la pente descendante, quoi, ça me paraît clair. Pourtant, ils n'ont pas, une mauvaise équipe, si tu regardes bien. C'est quand même, ça reste peut-être le meilleur effectif de France, quoi. À part, évidemment, que la défense. Tu n'as pas parlé de Lloris, mais il les a quand même sauvés plus d'une fois cette saison, les Lyonnais. Il y a quand même, c'est quand même le deuxième gardien le plus sollicité de Ligue 1. En tout cas, c'était ça il y a quelques journées. Alors, imagine si c'était pas Lloris dans le début, si c'était un gardien lambda, où serait Lyon, quoi. Honnêtement, où serait Lyon, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est en mesure en ce moment de pouvoir se poser ce genre de questions. On va passer à Auxerre, on va faire plaisir à Baptiste. On peut peut-être commencer par Auxerre en Champions League. Baptiste, parce que tu as eu la chance d'assister à un déplacement, il me semble, Auxerre-Ajax à la Baie des Champs, si je ne me trompe pas. Ouais, j'y étais, ouais. Quand on y repense, ça devait être vraiment incroyable, cette première victoire à la Baie des Champs, surtout quand on regarde l'adversaire et le passé européen de l'adversaire. Bah écoute, il paraît que c'était le match où il y a eu le moins d'ambiance à la Baie des Champs sur les trois. Mais c'était quand même pas mal, c'était pas plein non plus. Malheureusement, pour ceux qui n'y étaient pas allés et qui avaient préféré aller à Milan en Real, ils n'ont pas pu voir de victoire. Quoi. C'est dommage. Ce qu'on retiendra, parce qu'on va essayer quand même de faire peut-être un espèce de bilan, c'est que voilà, terminé troisième l'an dernier, on savait que déjà, on faisait déjà pas mal et que ça gênait assez. On comprend un peu parce que voilà, Auxerre n'a pas pu passer le premier tour. En plus, il tombe dans le groupe de la mort. Quand même retenir qu'Auxerre termine troisième, passe le tour préliminaire contre un gros du championnat russe, puisque c'est le champion. Auxerre se retrouve dans le groupe de la mort et n'a pas été ridicule. Ça, c'est les médias qui ont été assez d'accord sur ce point-là. Il y a eu du jeu, il y a eu de l'envie, il y a eu une victoire, il y a eu des matchs où ça tenait à pas grand-chose. Contre le Milan, ça reste une affaire d'expérience et de professionnalisme, dans le sens où tu as un Ibrahimovic qui a besoin d'un tir pour marquer, et ça a été comme ça sur l'ensemble des deux matchs. Contre le Real, encore d'aller gratter un point et de se qualifier pour l'Europa League, et au match aller, il y a une main de Sergio Ramos non sifflée, sur la suite il y a but, et voilà, ça se joue à pas grand-chose. Mais bon, il fallait pas non plus croire en un exploit au Serrois. Maintenant, il faut se concentrer sur le championnat. Et à l'heure où on parle, Auxerre est capable sûrement d'aller encore une fois faire un beau parcours, parce que ce championnat est resserré et parce que Auxerre a encore les mêmes qualités que l'an dernier, c'est-à-dire d'avoir gardé déjà sensiblement le même groupe et d'avoir ajouté un joueur Samaritano qui est plutôt en très très grande forme depuis un moment. Et voilà, Auxerre surfe sur une vague de chance, de réussite. Mais il y a un moment, je pense plus que c'est de la réussite. Je pense qu'il y a un moment, c'est juste le jeu auxerrois qui est devenu un jeu qu'il va falloir accepter, que beaucoup ont du mal à accepter. Mais en fait, si on veut résumer en quelques mots le parcours d'Auxerre cette année en Ligue des Champions, il leur aura sûrement manqué 2-3 petits trucs comme un peu plus de chance, un peu plus de réalisme, un peu plus d'expérience aussi face à des grosses équipes. Mais c'est sûr, je pense que tous les joueurs en fait auront appris de cette élimination, notamment les plus jeunes qui faisaient peut-être leur premier pas en Europe. Ils auront appris, mais je pense pas se requalifier cette année. Donc on le savait que voilà, Auxerre allait déjà tomber dans le quatrième chapeau et allait taper un groupe qui était forcément assez relevé. Ils tombent dans le groupe de la mort, ils prennent de l'expérience, oui. Le club en lui-même a de l'expérience en Coupe européenne. Les joueurs qui étaient, il y en a, ça faisait un an qu'ils jouaient en Ligue 1, et si tu revenais à 3 ans auparavant, ils étaient en Ligue 2 avec Angers pour prendre Roy Contou par exemple, ou avec Caen pour prendre Steven Langille qui s'est offert un but contre l'Ajax. Donc c'était une équipe jeune, une équipe qui faisait plaisir à avoir joué, mais une équipe malheureusement limitée. Ça, on l'a vu, l'expérience est là. Mais je pense pas que Auxerre va se requalifier cette année, et l'expérience qu'ils ont, elle va servir en Ligue 1 surtout. Toi Nicolas, tu penses qu'Auxerre a les moyens ou non d'aller raccrocher une qualification européenne à la fin de cette saison? Ça paraît un peu difficile, mais oui, ils ont les moyens probablement. Ça paraît un peu difficile en fait. Auxerre, qui s'est pourtant qualifié en Champions League cette année, a pas énormément investi. Alors je sais que c'est un club qui a un petit budget, hein, je comprends bien, mais j'ai quand même été assez étonné. Je pensais quand même qu'il y aurait un peu plus d'investissement. Donc honnêtement, malheureusement, malgré leur parcours qui est franchement honorable en Ligue des Champions, quoi, clairement, et je leur souhaite d'aller en Europa League, enfin quoique, je suis même pas sûr de leur souhaiter, parce qu'en fait, peut-être qu'il faudrait juste qu'ils se concentrent sur le championnat. J'y crois pas trop à la Champions League à la fin de l'année pour Auxerre. Mais bon, on est en novembre, hein. Concernant juste le budget, je fais partie de ceux qui pensent la même chose que Nicolas, parce qu'il faut savoir que quand Auxerre se qualifie contre le Zénith, Auxerre, à la fin de ces deux matchs, reçoit 7 millions d'euros, ouais. Et achète un joueur de Ligue 2 qui a coûté même pas 1 million, je crois. Donc, ça a été mal reçu. Moi, je l'ai mal pris, dans le sens où j'ai l'impression que le club a pas pensé que je n'en ai pas à avoir une star. Ça, c'est sûr que je n'imaginais pas du tout ce genre de choses, mais de penser qu'un banc une profondeur de banc et forcément il faut en avoir une, quoi. C'est, tu survis pas, on l'a vu. Auxerre affiche les mêmes la même équipe sur 3 matchs dans une semaine, ça fait mal, ils le sentent. Et l'an dernier, Jean Fernandez était celui l'entraîneur qui avait moins fait tourner son équipe. Il avait utilisé le moins de joueurs au niveau du turnover. Donc, malheureusement, cette année, ils n'ont pas su s'adapter. Et quand tu es dans le groupe de la mort en plus, ça ne peut pas marcher. Bah, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils se résolvent au fond à gagner un petit titre de temps en temps, mais pas à construire une équipe qui pourrait régulièrement traster les plus hautes places du classement, quoi. J'ai l'impression qu'ils se disent, ils sont un peu fatalistes, ils se disent oui, bon, bah, de toute façon, on est un petit club, on n'a pas un gros budget, voilà, donc bon, bah, on investit pas pour le long terme, on compte à fond sur la formation pour avoir un titre tous les 10 ans, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, hein. C'est la mentalité qu'on a donnée à Auxerre avec le discours de je joue le maintien à chaque début de saison. Il y a 10 ans, l'équipe Auxerre était une équipe où au début de l'année, on se disait elle est capable d'aller chercher le titre, elle est capable de faire un parcours européen. Il y a eu les départs de tous ces joueurs qui ont été la génération dorée. Il y a un reportage qui est passé il n'y a pas longtemps sur le canal qui montrait que Auxerre, c'est surtout important pour eux au niveau de la formation. C'est un club qui mise beaucoup là-dessus. Et un club qui est là en lien depuis très longtemps, qui a fait des saisons où ils se sont sauvés à 3-4 journées de la fin. Et ils ont fait des saisons comme l'an dernier où ils étaient capables à un moment d'être premiers. Donc, il n'y a pas vraiment de continuité, si ce n'est la continuité d'être toujours là en Ligue 1 chaque année, quoi. Mais donc, pour vous, il y a comme un manque d'ambition réelle de la part d'Auxerre. Quand tu vois pas l'effectif, tu peux pas te dire que tu vas jouer la Ligue des Champions, alors que dans ton équipe, tu as des joueurs qui jouaient en Ligue 2 il n'y a pas longtemps et qui viennent tout droit du centre de formation, comme Maxime Bourgeois, qui l'an dernier a été important sur le dernier match. Et voilà, c'est des joueurs qui sont tellement jeunes que tu ne vas pas miser sur une Ligue des Champions avec un effectif comme ça. Et quand tu as un budget qui est en plus limité, tu sais que tu peux faire un exploit, ils l'ont fait, mais ils n'allaient pas, et ça c'est normal, l'an dernier dire à la fin de l'année, on imagine être troisième. Non, ça ils ne le savaient pas, et quand ils l'ont fait, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui disaient à la fin de la saison, qui s'étaient dit, si on arrive à choper une place en Ligue des Champions, on arrête le football, juste pour te dire l'état d'esprit. Pour dire un dernier mot sur la Ligue 1, quelle est l'équipe qui vous a le plus surpris depuis ce début de saison ? Moi, c'est Paris, hein, pour être franc. Non, je suis surpris par Paris, ouais, parce que ça faisait tellement longtemps que je les avais pas vus bien jouer que bon, bah, du coup, je suis surpris. Sinon, bah, pas grand monde m'a surpris cette année. À part la belle performance de Brest, bon, malheureusement, ça a probablement pas duré. Donc ça, c'était surprenant. Je pensais honnêtement que Arles-Avignon s'en sortirait mieux. Mais bon, voilà. Et sinon, chez les gros, je suis pas surpris. Marseille gagne, mais joue mal. Ça fait quand même, ça date pas d'hier. Lyon, on se doute. Enfin, Lyon, ça m'étonne pas des masses, parce qu'ils ont pas réglé les problèmes qu'ils ont depuis longtemps. Sinon, c'est à peu près stable au fond. Quand tu regardes. Montpellier est toujours là. Lille joue toujours bien. Moi, je trouve pas que beaucoup de choses aient changé depuis l'année dernière. Lorient joue toujours bien aussi. Ce qu'il faut quand même savoir, que Nicolas disait à un autre Nicolas, celui qui tient le blog Isocios sur Paris, que pour être franc, j'ai appris avec Paris à ne plus être optimiste et à jouer les mecs blasés dans l'espoir d'une bonne surprise. Donc c'est comme si la bonne surprise était arrivée enfin. Non, pas encore. Attention, il faut encore passer l'hiver. Il faut encore passer l'hiver parce que t'as toujours la crise d'après trêve qui peut arriver. Et puis il y a quelques années, on a quand même laissé passer le titre sur les 3-4 dernières journées, quoi. Donc, mais bon, effectivement, pour l'instant, je suis agréablement surpris, quoi. Ça rentre complètement dans la définition que j'ai donnée. Mais on peut encore se péter la gueule, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je dirais Marseille et Paris. Hein. C'est Marseille parce que quand tu vois l'effectif qu'ils ont, tu te dis qu'ils vont pas, ils vont jouer des matchs et que ça va être beau à avoir joué. J'ai pas vu pour l'instant un Marseille étincelant. En Ligue des Champions, ils ont failli se casser la gueule. En championnat, ils sont parfois un peu friables. Et là, ils gagnent hier 4-0 contre Montpellier. Ils ont gagné dans la semaine 3-0 en Ligue des Champions. Et là, on recommence à parler d'un Marseille génial qui va enfin commencer son championnat. Je l'avais dit, hein. Si Marseille gagne 2 matchs en une semaine, on recommence à s'enflammer du côté de Marseille et dans les médias, tous les médias. Paris, parce que Paris développe un jeu intéressant et Paris fait enfin plaisir à voir. Moi, je fais partie des gens qui avaient été un peu dégoûtés de ce club-là, avec tout ce qui se trame autour de ce club et tous les clichés dont il est victime. Cette année, il y a du jeu et ça fait vraiment plaisir. Quand je suis allé voir quand même Paris-Auxerre, j'aurais pas été non plus dégoûté de voir Paris gagner à la fin parce que j'avais vraiment trouvé Paris costaud sur ce match. Bon, ils prennent 3 buts, mais c'est parce qu'ils jouent pas 25 minutes et ils jouent que le reste du match, quoi.